Thank you. peur de ne perdre intérêt à rien du tout. Ah merde, ça marche plus. J'ai peur de ne prendre intérêt à rien du tout, mais à personne. Je n'en J'ai perdu mes lunettes, je vois plus rien. J'ai peur de ne prendre intérêt à rien du tout, mais à personne. Je ne m'en irai plaindre même pas à vous, belle personne. Vous que j'aime, que j'aimerais et que j'ai aimé plus que personne. Vous qui faites l'innocent, vous le savez mieux que personne. Non, jamais je n'aurais dû porter la main sur vous. De ma personne. Pour qui me prenez-vous? Mais non, je n'en dirai rien. Rien à personne. Croyez-moi, je vous ferai passer pour une aimable, aimable personne. Quelques vérités qui ne font que de mal à personne. Peut-être aurais-je dû vous le dire à la troisième. Troisième personne. Je reconnais que je suis assez maladroit. Oh, de ma personne. Jamais plus je ne m'aime. Je n'aimerai comme je t'aimais, ma belle Adam. Oui, tu m'as coûté les yeux de la tête, mais je te pardonne. Je te pardonne. Je ne dois et je crois bien n'avoir jamais dû rien à personne, rien à personne. Jamais je ne me suis aussi bien entendu qu'avec personne, qu'avec personne. Personne, je te pardonne. Yes, very nice, Georgia. J'ai peur de ne prendre intérêt à rien du tout, mais à personne. J'aimerais que j'aimais plus que personne, plus que personne. Vous qui faites l'innocent, vous le savez mieux que personne, mieux que personne. Non, jamais je n'aurais dû porter la main sur vous. Fallait me maîtriser, être plus sûr. Personne, personne. Qui me prenez-vous? Non, rien. croyez-moi, je vous ferai passer pour une aime. Dividendes. Je reconnais que je suis assez maladroit. Oh, de ma personne, de dentifrice. Attends, c'est moi qui chante là, tu déconnes. Woo! faire des bulles, viens me faire des whips. Ah, c'est pas. Bébé, toi à moi et craque, je suis le crash pour te protéger. Chlac.